Sur la jetée, car on met des prix sur nos vies que l'on estime à environ 8,50€ de l'heure TTC. Petit bonhomme, prends ta place devant la machine et sache que t'es pas prêt de la quitter. Enfin peut-être, mais les risques sont minimes, on n'a pas prévu de délocaliser. Barder de diplômes, mais la prochaine fois prends plutôt ENA ou HEC. La politique, l'économie, c'est bien plus drôle, et pas besoin d'être honnête pour pratiquer. Reste malléable, virable à souhait et productif. Ah, j'oublie, ferme ta gueule enfin, s'il vous plaît. On fait des cercueils à des prix attractifs, certains que du premier prix tu pourras te contenter. Le prix immobilier, les enfants et la femme, la farandole de facture à payer. Le plan social, le patron détestable, ambiance au sein du couple qui tend à se dégrader. De tout ça, il reste une lettre sur la table et un corps suspendu, légèrement violacé. Deux orphelins, une veuve et la morale. La morale, elle, s'est éclipsée. Table, un corps suspendu, légèrement violacé, deux orphelins, une veuve et la morale. La morale ne fait ni vendre ni acheter. La morale ne fait ni vendre.